غش قلبك كيفيك ما شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق سليك بعد عليا راح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانوا إلا تحكمتي فيا انتي Se mix tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Jeudi 30 juin 2011, 21h27. Star si je suis sur la côte, je rappelle, je vais faire la fête. Je repense à l'année dernière, au star avec ils ont fait cette. J'appelle le barman et je commande un whisky sec là. Je suis avec Nezette, avec Khaled, avec Hayek. J'aperçois le strass, les paillettes. C'est fini les cahiers. Corps, on se check à l'heure. Faut que j'aille chercher mes trophées, 2 60 à l'heure. C'est dans le fait que ça va chauffer, direction le bled, non t'inquiète. C'est pas pour faire un gofas, la français, je vais l'écraser. M'arrête sur les coudas, mat mes smells, qu'être très sans des concurrents, il est dégoulasse. Timer, timer, c'est coudard et dégoulasse. Bref, rappel ou les têches, rage ou pira. Ouh, Katanga, Lyon, Walkira. Je serai bien entouré, mat mes potes que des tarés. Un pour tous, tous pourrés, on va se finir au cabaret. J'ai failli décéder. J'ai ramené 3 fusées mais j'arrive pas à me décider. J'ai dû virer Barbie, elle était trop sûre de Ken. La crème en Ferrari roule à 200 sur les quais. J'fonce au cabaret à la fermeture du rad. Ce soir ne me cherche pas, j'pourrais te fumer sur du rail. Rougataga, mon équipe est respectable. Argent les clés, gardez vos cartes pour le spectacle. Ken collège toujours à l'aise. Déjeune à Paris, sur la corniche uranienne. On passe par Alger, un petit détour pour la famille. J'vais buter les incous avec des blends à la vanille. Skyrock, rail suprême. DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est Rail Suprême le dimanche soir avec DJ Case au contrôle comme chaque dimanche soir. Case avec déjà une première session rythmée, endiablée, chaude, qui nous réchauffe un peu. Réchauffer un petit peu. Ah, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Et toi, tu vas réchauffer un peu Case cette semaine. J'ai envie de te demander, tu vas aller où? Alors moi, cette semaine, je suis le vendredi 12 décembre donc au Dream, c'est à Compiègne, donc dans le 60. Mmh. Le samedi 13 au Miami à Chartres. Le jeudi 18, c'est en première partie donc à Merlebach, c'est dans vers Metz au Monte Cristo, puis juste après à Metz justement à l'adresse, et le vendredi 19 à Lille à la Cirta, et le samedi 20 à la Centrale à Dijon. Voilà. Ah oui, c'est chargé le mois de décembre. Ouais, c'est chargé. Là, oui, là, c'est que le début là. Nouvel An. T'es où Nouvel An déjà? Nouvel An, je suis à Lyon. À Lyon. Voilà, à Lyon. On peut déjà l'annoncer, hein, ceux qui veulent préparer déjà leur soirée en amont. C'est à Lyon, c'est dans une salle où j'ai oublié le nom, mais on va vous donner les infos dans les dimanches qui vont arriver. Au fur et à mesure. Donc c'est ça. Restez bien à l'écoute de Rail Suprême. On revient dans quelques minutes, Case. Allez. Dans un instant, la suite et la fin déjà de Rail Suprême en ce dimanche soir. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême, mixé par DJ Case sur Skyrock. Suprême.

Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Enflammer le dance floor, on y arrive pas mal. Toujours humble, modeste et haut. pété qui met les mots de tête de côté. Entre le mariage, on se retrouve en boîte pour tout péter. Avec un passé, on s'attend à la sortie du CD. Par les mères, au bled dans ton hip-hop, sur ton scooter des mères. Du son qui tranquillise les consciences. Dans tous les clubs, dans tous les ghettos de France. Courte cachée, sous un parasol, reste plus qu'un sud, ça c'est un rayon de soleil. Au top, R&B, hip-hop, right. C'est tout M, c'est la voix qui t'est fou, right. Suprême en direct sur Skyrock. Y'a pas de raccourci, oublie Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. لو كنت تسمعيني يا بنتي عمري كاين مخير ولد الحلال وقديم Skyrock. Rail Suprême le dimanche soir et c'est la fin de cette émission. Ça passe tellement vite. Comme ça. Bon, tout s'est bien passé, Kay? Très très bien, comme d'hab. Tu vas revenir la semaine prochaine? Tous les dimanches. Pour nous ambiancer. D'ici là, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, sur la page fan Facebook. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Et sur Instagram et Twitter, c'est DJ Case Paris. Voilà, Instagram, DJ Case Paris. Et voilà, sur Paris Euro en New York, on en est où alors? Sur Paris Euro en New York, donc il y a la réédition qui sort ce mois-ci. Et je vais avoir les dates incessamment sous peu, mais ça va être ce mois-ci. Voilà, donc en fait, c'est les. C'était sorti donc fin août et ça avait. Ça avait cartonné et puis là c'est à peu près la version 2.0 de Paris en New York avec quelques inédits et c'est mixé cette fois-ci donc au bonheur des auditeurs. Donc loupez pas, à guetter dans les bacs, d'ici là vous suivez Case et Case qui sera aussi en tournée près de chez vous. Mm-hmm. Le loupez pas, merci Case pour cette soirée. Bah, merci à vous. Prochain encart dans une semaine et là c'est reparti avec le son de Skyrock. Bonne nuit, ciao.